Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du RPG A Day 2017. La question qui va nous préoccuper aujourd'hui est la suivante. Quels sont vos outils essentiels pour faire une bonne partie? Alors ce qui est intéressant à cette question, c'est qu'on va nous demander nos outils essentiels. Et pas un seul, ni le meilleur. Donc on va peut-être se lâcher un petit peu sur le nombre. En fait, pas tant que ça je m'aperçois. Le premier outil qui est essentiel pour moi pour faire une bonne partie, ben en fait, c'est celui-là. C'est mon cerveau. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si j'arrive en partie, crevé par une semaine de travail épuisante, que je suis à moitié zombie à la table, il y a très peu de chances pour que l'on réalise une bonne partie. C'est pour ça que j'ai besoin vraiment d'avoir tout mon cerveau disponible pour la partie, me concentrer dessus, et ainsi participer à 100% à l'univers, à la fiction, et faire en sorte que tous ensemble, collectivement, on passe un bon moment. Donc le premier outil pour moi pour faire une bonne partie, c'est d'être disponible pour la partie. Et le cerveau en fait quand même partie et a quand même un effet très important. Ensuite, la question nous propose quels sont les outils. Alors j'ai envie de dire, pour faire une bonne partie, il faut aussi que les joueurs soient dans la même disposition, état d'esprit. Attention, MJ, là je m'adresse à toi. Non, les joueurs ne sont pas des outils. Les joueurs sont des participants, vont alimenter ta fiction. Ce ne sont pas des marionnettes. En tout cas, c'est pas le type de MJ que j'apprécie, avec qui j'apprécie de jouer. Il y en a qui apprécient de s'asseoir dans un train fantôme et de se laisser mener par le bout du nez de A à Z. Moi, c'est pas trop mon truc. Après, donc ma vision, c'est que les joueurs ne sont pas des outils et je ne les citerai donc pas comme outils essentiels pour une bonne partie. Quels sont les autres outils que j'utilise et qui sont essentiels? Je dirais une feuille blanche à 3 et des crayons. Un Velleda si on a la possibilité, mais la feuille blanche à 3 elle est quand même pas mal parce qu'on va la mettre facilement au centre de la table et on va pouvoir écrire et dessiner dessus des plans. Et puis enrichir ces plans au fur et à mesure. Alors effectivement, c'est fortement conseillé dans Apocalypse World et ses dérivés, et dans plein d'autres jeux aussi. Mais j'apprécie effectivement de partager un dessin commun. Pour la simple et bonne raison que le MJ aura toute la volonté de décrire au mieux ce qu'il a dans la tête, les autres personnes auront une autre représentation. Je ne dis pas qu'avec un dessin en plus griffonné, on aura la même image mentale, mais en tout cas on partagera une base solide et commune. Peu importe si on n'a pas décrit que la voiture était bleue, mais qu'on a dessiné qu'il y a une voiture, tout le monde saura qu'il y a une voiture. Et peu importe, a priori, de savoir si elle est bleue, si elle est longue, si elle est rouge, etc. Et par ces plans, ça va permettre effectivement d'avoir et de partager un environnement imaginaire fictif commun. Et c'est très riche parce que ça évite beaucoup de quiproquos, notamment sur la représentation spatiale, sur les distances, etc., etc. Je dis pas de jouer avec une battle map, mais c'est totalement différent de se retrouver dans un couloir de 10 mètres, explicitement décrit et dessiné, et sur une autoroute où, entre les deux points, il y a 350 km. Donc les dessins, même griffonnés, même moches, eh bien c'est vachement pratique pour partager quelque chose de commun, de fictif et d'imaginaire. J'ai envie de dire, mis à part le fait d'avoir son cerveau tranquille, disponible pour jouer, d'avoir un crayon et du papier pour dessiner, j'ai envie de dire, c'est vraiment les outils essentiels. Après, on peut enrichir. On peut bien évidemment avoir pour jouer à du Pathfinder, du donjon, etc., une battle map quadrillée en hexagone pour faire vraiment du tactical. Mais c'est pas obligatoire. On peut également avoir, et c'est vrai que j'appréciais bien ça il y a quelques années, son ordinateur ou sa tablette pour jouer de la musique et mettre dans l'ambiance. Mais ça a d'autres contraintes, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est pas la question. Et donc, de ce fait, ben, tout ce qui est autre, ben, pour moi, est accessoire dont on peut se dispenser. Donc, pour moi, les outils essentiels, c'est le cerveau disponible et concentré sur la partie, une feuille et des crayons pour partager quelque chose ensemble de commun. Et vous, c'est quoi vos outils essentiels pour faire une bonne partie de jeu de rôle? J'entends déjà qu'ils vont citer la bière et les cookies ou les chips. Pourquoi pas? N'hésitez pas à partager. Puis moi, je vous dis à demain. En tout cas, je l'espère. Et puis, en tout cas, jouez bien.